Il faut des danseurs et des danseuses qui est souriant, qui tape aussi dans les mains. Et maintenant j'explique. Pour faire une chanson facile, facile. Chante les sardines, chante les sardines.